Ça braille, ça parle dans ma tête. Pourtant je sais bien que c'est pour mon bien. Ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Et je me dis que c'est bien mieux comme ça. Je suis bien conscient que ça descend ma mi-fa. Je commence à grandir et c'est pas si. J'suis sûrement le mauvais gosse, sûrement le mauvais fiston. Celui qui joue le boss alors que ma mère se fait du mouron. J'ai le cœur plein d'ambition, j'ai jamais concrétisé quant à mon éducation. Ça je la dois à mes refrains. Pourtant si je pars en couille, ça je le savais même pas. Pour moi j'ai rien fait de mal, même s'il y a des soirs où je rentre même pas. Mais est-ce le bien ou le mal qui guide mes actions? J'ai l'impression que chaque fois que je fais quelque chose, je suis en infraction. Mes pulsions soit sont négatives ou bien bonnes. Après tu m'étonnes que les commères au balcon disent que je déconne. C'est vrai, petit frère fume des spliffs et casse des voitures, laisse des fractures. A rien à faire, va plus en cours et longe les murs. Y'a plus le temps, putain de ticard m'a rendu gueudin. Même difficile de s'en sortir. Trouver une solution, faire quelque chose avant de courir. Ça braille, ça parle dans ma tête. Pourtant je sais bien que c'est pour mon bien. Ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Et je me dis que c'est bien mieux comme ça. Comme ça. Je suis bien conscient que ça descend ma mi-fa. Je commence à grandir et c'est pas si. Ça braille, ça parle dans ma tête. Pourtant je sais bien que c'est pour mon bien. Ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Et je me dis que c'est bien mieux comme ça. Comme ça. Je suis bien conscient que ça descend ma mi-fa. Je commence à grandir et c'est pas si. La nuit je m'endors, la tête pleine de rêves. Mais tout disparaît, tout s'efface lorsque le jour se lève. Les solutions que j'avais trouvées la veille se dissipaient. Au jeu de maman, je reste l'enfant anticipé. Je dois anticiper, participer au combat qu'est la vie. À mon avis, faut-il encore avoir l'envie de rendre ses rentes rabies? Le survie change un enfant mauvais, survie c'est fou mais c'est fait. C'est pas du tout ce qu'il me faut, mais pourtant je collectionne les méfaits. Mais je fais ce qui me semble bon, même si au fond ce n'est pas légal. Ma mère pleure, s'inquiète pour moi. Je fais comme si ça m'était égal. À croire, je suis un sans-cœur, un être rempli de rancœur. Mais aujourd'hui, le brigand a pris le dessus sur l'enfant de cœur. Quand on a pousse de travers, il ne se redresse jamais. Le dicton est bon mais ne jamais dire jamais. Je mets les choses au clair, j'ai mis les pieds dans le vice. Un 999 alias le mot. Ça braille, ça parle dans ma tête. Pourtant je sais bien que c'est pour mon bien. Ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Et je me dis que c'est bien mieux comme ça. Je suis bien conscient que ça déforme ma mi-fa. Je commence à grandir et c'est pas si. Ça braille, ça parle dans ma tête. Pourtant je sais bien que c'est pour mon bien. Ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Et je me dis que c'est bien mieux comme ça. Comme ça. Je suis bien conscient que ça déforme ma mi-fa. Je commence à grandir et c'est pas si. Cette personne à qui je dois le respect se fait du mauvais sens, se questionne mon sujet. Si j'ai la tête dure ou si vraiment je l'ai fait exprès, tu parles à qui tu causes mieux qu'elle est vexée. Prêt à péter les plombs, ce que j'ai déjà vu ne m'a pas mis de plomb dans le crâne. À qui t'étais tu comme un âne, elle parle dans ma tête à l'instinct de chétan et mame. De mon esprit zonier des flammes, la rue me tient en l'esprit dans le seuil. L'âme con qui rame, j'agis comme un con qui oublie qu'il a porté 9 mois. Et né le petit bébé tout 9 mois. C'est pas possible, ça doit les faire chelou de voir un grand adet. Mauvais exemple pour son cas, les candidats au paradis. Des fois je me dis que je peux y mettre une croix. Si je peux même pas radier, il m'a dit érodit. Je crois au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Tu la retournes, même si le shitan me détourne de la bonne voie. Ça remonte au début des années 90, dans mon 95. Sans jouer l'ancien, je te raconte comment j'ai vécu le truc. Avec mes yeux d'enfant, j'ai tout pris dans la gueule en même temps. Yota, Peura, Sedan à fond dedans.